Elle est tombée dans la nuit, le jour se lève, une nouvelle danse apparaît rouge. Malheur, le couloir dans le débit, l'image devient nette, longue et gelée à cette époque. On peut toujours crier, il n'y a personne ici que le grand air. On ne se cache pas à cet endroit, le vent file le long des murs de pierre, l'herbe se tourne dans le ciel, fini, marcher sur les glaces. Et les galets, juste continuer aucun repère, se perdre et remonter en plus haut des sommets. Le ciel en avance et regarde en direction d'une splendeur d'automne qui s'indigne ses couleurs.